Un air de vielle, donc, puis je pense que ce sera pour la terminer, à moins qu'on boive une petite bouteille avant de partir quand même. Bonjour les matinotes, comme tous les mois depuis 3 mois, revue de l'actu TPG du mois de février, le programme est chargé, donc on y va. En février, Comitid a choisi de parler des initiatives de nos aînés LGBTI pour sortir de l'isolement et retrouver une vie sociale libre, parfois difficile pour leur génération. C'est le sens de l'association Audacieuses et Audacieux qui tente d'ouvrir un habitat participatif, la maison de la diversité, qui se voudra intergénérationnelle et en mixité hétéro-homo. De son côté, l'asso Grey Pride, qui a déjà ouvert son premier appart partagé à Paris pouvant accueillir 5 personnes, cherche d'autres solutions d'hébergement partagé, comme des familles d'accueil par exemple. Ces initiatives personnelles ou associatives peinent cependant à répondre aux inégalités territoriales ou sociales, il est donc primordial de renforcer nos engagements militants et associatifs sur ces questions. En attendant, espérons que ces refuges ne subissent pas les mêmes dysfonctionnements que le refuge. Effectivement, les anciens jeunes et anciens bénévoles du refuge n'en avaient pas fini avec la fondation, dont les dysfonctionnements ont été pour la seconde fois mis en évidence par la nouvelle enquête de David Perrotin, épaulée par Yuen Tanguy, en décembre dernier. Alors que l'audit commandé par l'association pour mettre au clair la situation dénoncée par les témoignages était sur le point de présenter son rapport, le collectif, qui s'est organisé à la sortie de l'article de Mediapart, a réfléchi à 36 propositions pour améliorer l'association. Parmi elles, le renouvellement de la gouvernance, la garantie de 3 repas quotidiens, le suivi psychologique des réfugiés, une meilleure ligne d'écoute, des procédures pour l'accompagnement et la gestion des crises, l'amélioration du respect de la vie privée, la fin de la communication abusive basée sur des images non consenties et un ton misérabiliste, et un règlement intérieur sur l'accueil de jour. Le collectif assure que la fondation effectue un travail indispensable, malheureusement perturbé par ses dérives. Une conclusion et des recommandations partagées par Boston Consulting Group, BCG, dans le rapport qu'il a rendu le 19 février suite à l'audit de diagnostic de l'association mené à titre gratuit entre le 18 janvier et le 18 février. Les reproches qui y sont faits sont cohérents avec les accusations publiées par David Perrotin et Yuen Tanguy dans Mediapart, abonnez-vous. Revient systématiquement le manque de professionnalisation dans les 10 points d'analyse du groupe de consulting. On a déjà parlé il y a 2 mois de l'accompagnement défaillant, hétérogène ou inadapté selon le rapport, de la communication mettant mal à l'aise les bénéficiaires ou de la stratégie financière floue, mais BCG confirme et pointe par exemple un numéro d'urgence tombant sur un numéro mobile personnel redirigé manuellement et géré, je cite le rapport, de manière artisanale par les bénévoles participant à leur surcharge de travail évoquée tout au long des 38 pages. Malgré ce rapport, David Perrotin rappelle dans Mediapart que l'inspection générale interministérielle du secteur social n'a pas été saisie, mais que la région Île-de-France, qui a accordé des subventions à la fondation, a également commandé un audit. Quoi qu'il en soit, le couple président-directeur général, qui se confirme être un point clé de dysfonctionnement, a démissionné suite à la publication du rapport. Ils devront cependant peut-être essuyer des poursuites judiciaires de la part des membres du collectif des anciens jeunes et bénévoles. Cette affaire, ainsi que quelques-unes d'autres, comme la mise en garde à vue du président du CNC Dominique Boutouna suite à une accusation de tentative de viol, la mise en examen du président de l'UPR François Asselineau pour agression sexuelle, ou les 4 nouvelles plaintes contre le groupe de producteurs Gérard Louvain Daniel Moine pour viol et agression sexuelle, tombent dans un timing particulier en plein dans les retombées du hashtag MeTooGay lancé le mois dernier. Si la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, compte se concentrer sur la réponse policière, puisqu'on sait tous que la police et son ministère nous protègent des sales violeurs, mais aussi judiciaires, pour une fois, têtu voit juste, les victimes veulent témoigner sans judiciariser, elles n'ont pas confiance en la justice. Une justice que les présumés agresseurs de Guillaume semblent avoir utilisée comme menace ou comme moyen de pression avec l'annonce d'un dépôt de plainte pour diffamation. Rappelons que les agresseurs de Guillaume sont des personnages influents du PCF Paris, en particulier Maxime Cochard, qui est un élu du 14e arrondissement, alors que Guillaume, lui, était un étudiant. Il l'était parce qu'il s'est pendu 20 jours après ses accusations. Face à ce déséquilibre, on apprend dans Libération que la famille de Guillaume et leur avocate Maître Thuaillon-Ibon ont tout de même choisi de saisir le parquet de Paris d'une plainte contre X pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en s'appuyant sur la stratégie médiatique visant à discréditer et dénigrer Guillaume. Mais l'essence des MeToo est de constater des faits similaires perpétrés par des proches ou des collègues. Mais ce qu'il y a de particulier dans le MeToo gay, c'est que, comme l'analyse Victor dans son témoignage dans la chronique mensuelle Le Lobby sur Radio Campus Paris, c'est que sans les mettre sur un pied d'égalité, faire du relativisme ou les essentialiser, les bourreaux et les victimes se confondent dans un même vivier, il n'y a plus de camp. Une spécificité des violences éclairées par le MeToo gay que Libération soulève, en même temps que le manque flagrant d'études sur le sujet, notamment en France, expliqué par la priorité que la recherche a mise sur les questions de santé ou de discrimination quand elle s'intéresse à nos communautés. La sociologue Pauline Delage analyse une difficulté à penser des violences au sein d'un groupe déjà minorisé, alors que l'homophobie extérieure maintiendrait des formes de domination à l'intérieur des couples. En réponse à ces événements, le collectif Paris Queer Antifa a organisé le samedi 27 une manifestation entre Pigalle et Hôtel de Ville dans l'objectif de continuer la libération de la parole et initier les réflexions puis l'action. Une occasion de rappeler que si le patriarcat touche nos communautés, nos luttes visent à le démanteler, que le capitalisme en est un ennemi, que les institutions doivent faire cesser l'impunité en prenant leurs responsabilités. Ce n'est pas la seule mobilisation qui s'est organisée ce mois-ci. Un rassemblement devant l'Assemblée nationale s'est par exemple tenu dimanche 21 suite aux tournures qu'ont pris les travaux parlementaires sur la loi bioéthique et particulièrement la PMA. Début février s'ouvrait en plénière l'examen en seconde lecture par le Sénat de la loi bioéthique qui contenait en premier article l'ouverture de la PMA pour toutes. Enfin, qui la contenait ? Puisque les sénateurs de droite, après l'avoir asséché, ont voté contre, entre autres pour rétropédaler après s'être rendu compte de l'adoption d'un amendement autorisant la PMA post-mortem, c'est-à-dire avec le sperme d'un donneur décédé dans un délai de 6 à 18 mois. Cependant, Bernard Jomier, sénateur apparenté socialiste, estime dans Libération que cette explication est un prétexte du groupe Les Républicains pour préparer leur électorat au présidentiel. Électorat qui veulent composer de la Manif pour tous et des milieux chrétiens qui s'opposent, rappelle le gynécologue François Olivienne dans Le Monde, à toute nouvelle technique de procréation depuis 80 ans, ce, avec ou sans père, malgré leur communication. En réponse à ce retournement de veste, la gauche a voté contre le projet de loi bioéthique refusant qu'elle soit adoptée sans la PMA alors qu'elle a été promise depuis longtemps par Hollande puis Macron, bien qu'on ne l'ait pas entendu sur le sujet depuis plus de 2 ans, rappelle Nicolas Faget de l'association des parents gays et lesbiens à l'AFP. Étant majoritairement de droite, le projet de loi a tout de même été adopté par le Sénat. Il a ensuite été discuté en commission mixte paritaire où l'article 1 aurait pu y être à nouveau introduit, mais comme s'y attendait la sénatrice Laurence Cohen témoignant à Gênes de la profondeur des divergences, aucun compromis n'a été trouvé et l'Assemblée nationale devra réétudier une dernière fois la version du texte qu'elle a votée en août dernier, et ce, avant l'été selon les souhaits exprimés par Olivier Véran. Malgré ce dernier espoir, Pauline Thurier rapporte à Têtu une certaine aura de découragement au milieu de la manif du 21. Même si la PMA est finalement adoptée par l'Assemblée nationale cette année, certaines militantes craignent qu'elle ne soit mise en application trop tard et celles qui en ont les moyens continuent d'envisager des procédures à l'étranger ou illégalement en France. Un découragement renforcé par une crise sanitaire qui tape sur le système. Éloignement entre les populations et les assauts, prison familiale mais également extinction de notre culture, notre isolement est de plus en plus difficile et dangereux en s'ajoutant à nos précarités, pour les jeunes entre autres, chez qui on a dû faire plusieurs deuils ces derniers mois. Ces pertes sont d'ailleurs surreprésentées dans la population trans. Si la libération de la parole et l'accès à la représentation permet à nos jeunes de mettre plus tôt des mots sur leurs mots MAUX et tenter de les apaiser, les adultes qui les entourent sont incapables de prendre en charge ces problématiques. Selon Le Monde, l'éducation a été prise de court par l'arrivée des questions trans à l'école qui manque de réponses types, ce à quoi travaille un groupe formé au ministère de l'Éducation. Espérons que ces travaux permettront également de revoir l'éducation sexuelle alors que Slate rappelle son inefficacité, ses biais cis-hétéronormés, normés tout court en fait, sa restriction à la prévention au risque malgré la législation. Et la situation Covid a un impact même sur des choses simples comme le port du masque en public qui, comme s'en est rendu compte mon copain ou Olga Volson pour têtu, affecte le passing. Lorsqu'il en retire, le masque génère de l'insécurité supplémentaire et pousse à faire des efforts parfois vains sur son apparence pour faire cesser le mégenrage. Léo résume son expérience. Je suis à deux doigts d'écrire « Je suis un mec » sur mes masques, mes t-shirts, partout. J'ai l'impression de ne plus être moi. Et parfois c'est trop et certaines personnes décident de limiter leur sortie et de s'isoler. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Cette émission complète la chronique diffusée par OST Politique dans sa matinale sur Twitch. C'est un travail bénévole et si vous souhaitez y participer, vous pouvez me proposer votre aide à l'adresse actutpg@protonmail.com. Sinon, vous pouvez m'aider à payer mes abonnements presse sur tipeee.com/revue-de-presse-tpg. J'en profite pour remercier Hydring Tomilchek pour son don et Galouviel.fr qui m'a autorisé à utiliser l'enregistrement de la Scottish Polka du Loup composée par Didier Pellapra. L'association propose des concerts, des animations, des ateliers de danse, d'instruments autour de musique traditionnelle. Tout ça à Issy-les-Moulineaux. Encore merci pour votre écoute et n'oubliez pas, Be Gay Do Crimes, on se retrouve le mois prochain. Bisous bisous. Thank you.